Alors que plus de 120 000 nouveaux titres sortent chaque jour sur les plateformes de streaming, un nombre vertigineux de bons artistes espèrent être potentiellement découverts un jour. Car aujourd'hui, dans la musique aussi, les datas font dorénavant la loi. Les algorithmes nous proposent un contenu de plus en plus insipide, prévisible, basé sur des hashtags et quelques mots-clés. À l'heure où certains ont abandonné leur rôle de défricheur, où la musique devient excessivement formatée, ultra catégorisée, et où l'emballage semble être devenu bien plus important que le contenu. Notre mission, en tant que passeur, en tant que prescripteur ou simple fan de musique, est d'aller chercher beaucoup plus loin qu'auparavant. Nous devons explorer sans préjugés, sans limites, sans œillères et sans idées préconçues, fouiller encore et toujours pour trouver les morceaux qui font la différence. For you. recognize that there's something happening, an experience, a vibration, a sensation. And as you notice that, would you be willing to pay attention to it? Thank you. Bitches over there to take care of my business. That's why I'm here in my home. Bitch, I'm your mom.